بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة الكرام في هذه الرسالة الطيبة المباركة on continue chers frères dans cet épître profitable béni إن شاء الله تعالى de l'imam Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. La semaine dernière, on a vu, ou du moins durant les cours précédents, on a vu la définition du tawhid, ifradullah bima yahtassu bihi, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans ce qui lui est propre et spécifique. Le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans ce qui lui est spécifique. Ensuite, on a vu aussi l'unicité d'Allah dans la seigneurie tawhid al-rububiyya. Parce qu'on a vu que les types de tawhid se divisent en trois. Tawhid dans la seigneurie, tawhid dans l'adoration et tawhid dans les noms et attributs. Tawhid dans la seigneurie, on avait dit que c'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans ses actes à lui. Le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans ses actes à lui. Ifradullah bi af'alihi. Et aujourd'hui, on voit le deuxième tawhid qui est, donc comme il nous dit l'auteur rahimahullah, وَأَمَّ الثَّانِي فَهُوَ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ. Donc la deuxième forme de tawhid, c'est l'unicité dans l'adoration. L'unicité dans l'adoration, barakallahu fikum, qu'est-ce que c'est? C'est إِفْرَادُ اللَّهِ بِإِفْعَالِنَا. Le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans nos actes à nous. C'est-à-dire que nos actes à nous sont voués à Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, et donc c'est ça l'unicité dans l'adoration. Alors maintenant, bi'idnillahi ta'ala, j'attends qu'il y ait un frère qui lève la main et qui me répète ce que je viens de dire. La définition du tawhid de manière générale, la définition du tawhid dans la seigneurie, la définition du tawhid dans l'adoration. Ya Allah, ya ikhwa. Faut qu'on avance. Si personne ne se sacrifie, je serai obligé de désigner deux ou trois. Alors, il y a deux frères habillés en bleu et entre eux, il y a un adulte. Oui, voilà. Mashallah. Number one. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, la définition du tawhid. C'est le fait d'accorder, d'affirmer l'unicité d'Allah dans ce que lui est propre. Ahsant, barakallahu fik. Alors maintenant, tu passes le micro, s'il te plaît, à... La définition du tawhid dans la seigneurie. Le tawhid, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Alors, c'est quoi? Tawhid al-Rububiyya. Hein, t'as un trou? Ça doit être le stress, ça. Il faut... T'inquiète pas, on est entre nous, mashallah, il n'y a pas de problème. Je t'ai vu noter en plus. Tu peux regarder tes notes si tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, l'unicité dans la seigneurie. C'est le fait d'affirmer ce que Allah c'est ce qui est propre à lui-même. Le fait. Donc là, tu vas parler de l'unicité de manière générale. Moi, je veux dans la seigneurie. Le fait qu'Allah c'est lui qui accorde la subsistance, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait. Et non attribué alors. Non. Alors du coup, vous savez comment ça se passe quand c'est comme ça? Je ne vais pas donner la réponse. Une autre personne va passer, mashallah, juste à ta droite. Masha'Allah. Tout. Wa alaykoum salam wa barakatou. T'as dit dans la seigneurie, c'est ça? Oui. Seigneurie. C'est le fait qu'elle a ce qu'on attend là. Comment dire? Sinon, je vais te donner la définition en créole, si c'est comme ça. Je vais te donner la définition en créole si tu te trompes. Alors. C'est le fait de reconnaître qu'il soit unique et unifié dans ses actes. Ah, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ses actes à lui. Donc ça, c'est l'unicité dans la seigneurie. Et donc Oui, on oui. affirme que c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui gère toutes choses. Mashallah, au premier rang. Au premier rang, je vous laisse vous désigner. Une personne du premier rang me donne la définition du tawhid. De toute façon, au premier rang, pour moi, là, au premier rang, il y en a deux. Il n'y en a que deux. Derrière, pour moi, ce n'est pas encore le premier rang. Ils sont un petit peu en route. Donc, il y a que deux personnes là. Donc, un des deux, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Le micro, il est posé entre vous deux ou qu'est-ce qui se passe? L'unicité dans l'adoration, j'ai donné tout à l'heure. Alors, Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, de Aïwa, donc ifradullah bi af'alil ibad. Le fait d'affirmer l'unicité d'Allah par les actes des serviteurs, ou alors on va dire par nos actes à nous. C'est-à-dire que nos actes à nous, c'est eux qui sont voués à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Donc mes frères, ça c'est important de le retenir. C'est pour ça que j'insiste, je pose des questions. Pourquoi? Parce que ça c'est la base de notre religion. C'est la base. C'est le sujet des conflits entre les prophètes et leur peuple. Et donc ça, c'est un sujet très très très important que tout musulman doit savoir. Et donc il nous dit l'imam Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. Et donc cette forme de tawhid là qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration, c'est ce sujet sur lequel il y a eu des conflits, donc depuis le début, les premiers conflits avec les prophètes, jusqu'à aujourd'hui, wa hadithihi, et c'est le fait d'affirmer l'unicité d'Allah par ses actes à lui, par les, excusez-moi, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah par les actes des serviteurs. Ensuite, il donne des exemples. Il nous dit qu'être dua, comme l'invocation, wan-nadhr, le fait de faire des vœux, wan-nahar, et donc le fait de sacrifier, wan-raja, le fait d'espérer, wal-khawf, la peur, wat-tawakkul, le fait de placer sa confiance, wan-raghbatu, ainsi que le fait de désirer. Le fait d'avoir de l'effroi, le fait de revenir repentant dans l'obéissance, etc., etc. Il a donné des exemples. Et ensuite, après cela, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il nous cite la preuve de Ad-Du'a, la preuve concernant l'invocation. Mais avant cela, moi j'aimerais bien aborder un sujet concernant et-tawakkul. Est-ce qu'il est permis, les frères, barakallahu fikoum, de dire tawakkaltu ala Allah thumma alayk? Je place ma confiance en Allah, puis en toi. Est-ce que c'est permis de dire ça? Attention, je n'ai pas dit je place ma confiance en Allah et en toi. J'ai dit je place ma confiance en Allah, puis en toi. Est-ce que c'est permis? Non, c'est permis, mais je pense qu'il y a une divergence là-dedans, non? Aïe. Parce qu'ils disent qu'il faut tawakkul ala Allah. Tayyib. Et donc parmi les ulémas, il y en a certains qui voient El-Jawaz. que c'est permis. Parmi eux, il y a le très savant Ibn al-Uthaymin, parmi nos savants contemporains. Il voit que c'est permis. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi umur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confié des tâches, des responsabilités à certaines personnes dans certains sujets. Et donc, il y a en cela une forme de confiance. Al-i'timad, le fait de t'appuyer sur quelqu'un pour telle et telle responsabilité, tel et tel sujet. Et donc, il dit, il n'y a pas de mal en cela. Et il y a d'autres savants qui voient que non, et-tawakkul, c'est autre chose que et-tawkil. Et-tawkil, le fait de confier une tâche, une responsabilité à quelqu'un. Et-tawakkul, ibadatul lillah, tabaraka wa ta'ala. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Et donc, c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Le Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, il était interrogé concernant cette formulation de phrase. Il dit, Tawakkul, c'est une ibada. Tawakkul, c'est un acte d'adoration. Et donc, à partir de là, il n'est pas permis de dire, de l'accorder à qui que ce soit. On ne peut pas dire, j'adore Allah, puis toi. J'adore Allah, puis toi. Et donc, de la même manière, on ne va pas dire non plus, je place ma confiance en Allah, puis en toi. Et donc ici, barakallahu fikoum, il y a une règle qui est très importante. Mais kana khassan lillahi tabaraka wa ta'ala la yanbaghi 'atfuhu bi ghayri llah walau bi thumma. Tout ce qui est propre et spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala, nous ne devons pas l'associer à autre que Allah, même en utilisant le terme puis. Même en utilisant le terme puis. Ça, c'est concernant tout ce qui est propre et spécifique à Allah. Maintenant, ce qui concerne Allah, mais aussi ses créatures, là, on peut le faire en utilisant le terme puis. Exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à ses compagnons, Aj'altani lillahi niddan, qul ma sha Allah, thumma shit. Est-ce que tu me places en égal pour Allah? En égal à Allah? Est-ce que tu fais de moi un égal à Allah? Dis ma sha Allah, c'est ce qu'Allah a voulu. Puis toi. Pourquoi? Parce que le prophète, il a une volonté. Allah Ta'ala nous a accordé à tous une volonté. Et donc, vu que nous avons tous une volonté, mais que notre volonté dépend de la volonté d'Allah, oui, tu peux dire, Allah a voulu, puis toi. Allah Ta'ala, il nous dit, ou du moins le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Men lam yashkuri nas lam yashkurillah. Celui qui n'a pas remercié, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Et donc, nous pouvons remercier les gens. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est propre et spécifique que à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc là, à ce moment-là, on peut dire, Mashallah, notre frère Ali, Mashallah, il s'occupe de l'organisation des cours en ce moment. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala, puis Ali. La baisse, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, ce qui est propre et spécifique à Allah, non. Là, on ferme la porte. Là, on ferme la porte. Et donc, on revient à notre sujet, le sujet du livre, Inch'Allah ta'ala. Mashallah, le cours d'aujourd'hui, je sens que on n'aura vraiment pas le temps de finir tout ce que j'avais prévu. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on profite. Qu'on apprenne notre religion, qu'on avance. Hein? C'est ça qui est important. Barakallahu fikoum. Et puis, on apprend petit à petit. Le livre, on va le finir petit à petit, inshallah ta'ala. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa dalil ad-du'a, la preuve concernant l'invocation. Quelle preuve nous montre que l'invocation, c'est un acte d'adoration qu'on doit accorder à Allah tabaraka wa ta'ala de manière spécifique. Il nous dit, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui par orgueil refusent de m'adorer rentreront au paradis, excusez-moi, rentreront donc en enfer avilis et humiliés. Tayyib. Excusez-moi les frères, barakallahu fikoum. Ici, dans ce verset, elle est où la preuve que Dua, c'est un acte d'adoration? Qu'est-ce qui me montre que ici, l'invocation est un acte d'adoration? Je vais répéter le verset en français. Et après, je vous donne la parole. Et ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui par orgueil refusent de m'adorer rentreront avilis en enfer. Alors, elle est où la preuve? Salam alaykoum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Hayakoum Allah. C'est pas le temps qui est employé, c'est pas l'amr. Alors, c'est très bien. Donc là, tu m'as donné le début de l'argumentation. Et vu que tu as donné le début, je te laisse finir. Ah, t'as baissé le micro. Mashallah. C'est pour mieux réfléchir, il se concentre. Mashallah. Alors. Et donc, Allah a ordonné qu'on l'invoque. La suite. Imagine-toi, là, tu es en train de t'adresser à un soufi, Koubouri, quelqu'un qui, nuit et jour, il va invoquer Sidi Foulen. Nuit et jour. Et toi, tu viens, tu lui dis, mais ne fais pas ça, c'est du shirk. Comment ça, c'est du shirk? J'ai le droit d'invoquer. Je crois en Allah, je crois en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je crois en tous les prophètes. Je crois aux anges, j'ai tous les piliers de l'islam, j'ai les piliers de la foi, et tu me dis que je fais du shirk, tu me fais sortir de l'islam. Non. Tu vas lui dire, mais oui, c'est un acte d'adoration. Il va te dire quoi? Mais non, l'invocation, ce n'est pas un acte d'adoration. Il va te dire, je ne me suis pas prosterné pour lui. Il va te dire, c'est un saint. Je ne me suis pas prosterné pour une statue quand même. Je ne suis pas comme ceux qui vont adorer Jésus. Je suis pas. Non, là, je suis en train d'invoquer un saint. Il est où le mal? Les frères, c'est pour ça que c'est important de maîtriser ça. C'est important. Et donc, toi, tu viens, tu lui cites le verset. Il te regarde, il te dit, ben, écoute, ouais, ben, je suis toujours d'accord avec toi. Allah, elle nous a dit de l'invoquer. Ok, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas invoquer autre que lui. Surtout que c'est un saint. Alors, comment tu lui réponds? Tu lui dis, mais c'est un acte d'adoration. Mais où est-ce que tu as vu que le fait d'invoquer, c'est un acte d'adoration? La réponse, barakallahu fikoum, les frères, 1. Comme tu l'as dit, Allah nous a ordonné de l'adorer. Premier point. Allah nous a ordonné de l'adorer. Deuxième point de l'argumentation, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala n'ordonne que ce qu'il aime et ce dont il est satisfait. Allah ne va pas nous ordonner de faire ce qu'il n'aime pas. Allah ne va pas nous ordonner de faire la fornication. C'est pour ça que lorsque les polythéistes, ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba sans vêtements, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Dit, certes, Allah n'ordonne pas les turpitudes. Pourquoi? Parce que Allah, il n'aime pas cela. Allah, il n'ordonne que ce qu'il aime. Et donc, un, Allah nous a ordonné de l'adorer. Deux, Allah n'ordonne que ce qu'il aime. Trois, c'est quoi un acte d'adoration? Il est là le problème. Ils ne savent pas c'est quoi un acte d'adoration. Un acte d'adoration, ou du moins l'adoration, c'est très important, les frères, à noter, l'adoration, c'est tout ce que Allah aime et agrée. À partir du moment où tu vois qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée quelque chose, sache que c'est de l'adoration. Ok. Tayyib. Comment je fais pour savoir que Allah il aime et agrée quelque chose? Tout simplement, il nous a ordonné de le faire. Il nous a ordonné de le faire. Tout simplement. Et donc là, on a les trois points de notre argumentation. Je répète. Premier point, le fait que Allah nous a ordonné de l'invoquer. Deuxième point, le fait que Allah n'ordonne de faire que ce qu'il aime. Troisième point, et c'est justement là, l'adoration, puisque l'adoration, c'est tout ce que Allah aime et agrée. Quatrième point, dans le verset, lui-même, dans le verset, on voit que Allah a nommé l'invocation adoration. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, invoquez-moi, invoquez-moi, je vous exaucerai. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, ibadati, certes ceux qui par orgueil refusent de m'adorer. Refusent de m'adorer, refusent de m'adorer. Il n'a pas dit refuse de m'invoquer. Au début, il a parlé de l'adoration, à la fin, au début, il a parlé de l'invocation, à la fin, il parle de l'adoration. Et donc, l'invocation est un acte d'adoration. On a un verset similaire, ou du moins, on voit le même principe, le fait de parler de l'invocation et ensuite l'adoration. Ce qui montre que l'invocation, c'est de l'adoration. Allah Azza wa Jal qui dit « Qu'au la salamun alayka se astaghfiru laka rabbi » Il dit, c'est-à-dire il dit à son père, Ibrahim alayhi salam, Salamun alayka, c'est astaghfiru laka rabbi. Je vais implorer le pardon de mon Seigneur pour toi. Innahu kana bi hafiya. Certes, il est plein de bonté envers moi. Les savants du tafsir, les exégèses, ils nous disent que c'est que Allah tabaraka wa ta'ala accorde à Ibrahim ce dont il a besoin, il le protège, il exauce ses invocations. Wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah. Et donc ici, barakallahu fikum, Ibrahim qui continue, et je vais vous délaisser, je vous délaisse, je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous adorez, excusez-moi, ainsi que ce que vous invoquez, en dehors d'Allah. Je vous délaisse et ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Et je vais invoquer mon Seigneur. Et j'espère que je ne serai pas malheureux dans l'invocation de mon Seigneur. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, après nous avoir cité la parole d'Ibrahim, il dit فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Lorsqu'il s'est séparé d'eux, et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et donc Ibrahim, lui, il leur dit, je vous délaisse et ce que vous invoquez. Allah, il dit, lorsqu'il les a délaissés et ce qu'ils adoraient. L'invocation, c'est un acte d'adoration. Explique-lui ça. Si tu vois un soufi devant toi, quelqu'un qui n'a pas compris que l'invocation, c'est de l'adoration, explique-lui tout ça. Explique-lui bien cela. Regardez, Ibrahim, il les a délaissés et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Le saint que tu invoques là, celui qui est dans la tombe, dis-moi, est-ce que c'est Allah ou c'est pas Allah? C'est pas Allah. Ok, donc tu ne peux pas l'invoquer. Regarde, Ibrahim, il a délaissé tout ce que les autres invoquaient en dehors d'Allah. Et donc toi, tu dois faire pareil. Nous devons suivre les prophètes, c'est la voie des prophètes. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, wa kullu naw'in min hadhihi al-anwa' alayhi dalilun min al-Qur'an. Et concernant toutes les formes citées, c'est-à-dire toutes les formes d'adoration qui ont été citées, il y a une preuve dans le Coran. qui montre que c'est un acte d'adoration. Et donc ici, l'auteur, il se suffit de nous citer juste la preuve concernant l'invocation. Et pour le reste, il nous dit qu'il y a d'autres preuves concernant les autres actes d'adoration. Et nous, on va faire comme l'auteur, Incha'Allahu Ta'ala. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a cité ce sujet, l'invocation? Parce que c'est justement ici, l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, il était en train de, justement, de combattre cette ambiguïté. L'ambiguïté de ces gens qui vont te dire « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah » Ils vont invoquer un saint. Sidi Foulen, Sidi un tel, Sidi un tel. Et donc voilà pourquoi il s'est concentré ici sur l'invocation. Et ensuite il nous dit « Rahimahullahu ta'ala wa aslul ibadati tajridul ikhlasi lillahi wahdahu wa tajridul mutaba'ati » للرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر. La base de l'adoration, c'est le fait d'accorder à Allah Ta'ala un culte exclusif. Et le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière exclusive. C'est ça la base de l'adoration. Ici l'auteur rahimahullah, il nous cite les deux conditions d'acceptation des adorations. Tu veux que ton acte d'adoration soit accepté, il faut absolument que tu aies ces deux conditions. Quelles sont les deux conditions? Adorer Allah de manière exclusive. Accorder à Allah un culte exclusif dans l'adoration. Première condition. Deuxième condition, suivre le suivi exclusif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on appelle Tawhid al-ibadah wa tawhid al-ittiba'. L'unicité dans l'adoration et l'unicité dans le suivi. L'unicité dans l'adoration, ça veut dire que tu n'adores qu'Allah tabaraka wa ta'ala. En gros, les frères, barakallahu fikoum, ce sujet, c'est ash-shahadatayn, les deux attestations. Subhanallah, comme c'est simple. Tu rentres dans l'islam, on te dit, il faut que tu attestes La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit que ces deux attestations sont liées, on ne peut pas les séparer. Celui qui vient, qui nous dit La ilaha illallah, on lui dit, mashallah, c'est bien, allez, deuxième étape, Muhammad Rasulullah. Il dit, non. J'ai déjà dit La ilaha illallah, c'est bon. On va lui dire, ah. Allez, de côté. C'est pas, ça passe pas, ça ne suffit pas. Il est obligatoire d'attester, de croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Enfin, une autre personne, elle vient, elle nous dit « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » On lui dit « La ilaha illallah » Il va nous dire « Non, non, non, non. » On va lui dire « Ça ne passe pas non plus. » Et donc de la même manière qu'on atteste que la ilaha illallah, que Mohammed Rasulullah, dans nos actes d'adoration aussi. Ton acte d'adoration, la ilaha illallah, et Mohammed Rasulullah. Ça veut dire que ton acte d'adoration, tu ne le fais pas comme tu veux. Tu le fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré. Tawhidul ittiba', le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne vas pas te dire, ah bon, moi, je suis algérien, je viens d'Algérie. Dans mon village en Algérie ou dans ma ville en Algérie, il y a un cheikh, c'est cheikh untel. Et cheikh untel, c'est le cheikh du village, tout le monde le respecte. Il nous a dit que la prière, c'est comme ça, un point c'est tout. Je fais comme le cheikh, il a dit, même si on me dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit autre chose. Un autre frère, il vient, ah moi, je viens du Sénégal. Chez nous, il y a cheikh untel. Il a dit que la prière, elle ne se fait pas comme ça, mais elle se fait autrement. Et il y en a un autre qui va nous dire, ah moi, je viens du Maroc, et chez nous, il y a Cheikh Untel. Il nous a dit que la prière, c'est comme ça. Ainsi de suite, on fait tous les pays où il y a des frères. Même on fait la Martinique. Il y en a un, moi, je viens de la Martinique, là-bas, il y a un imam, il fait 2 mètres. Il nous a dit, la prière, c'est comme ça. Même si tu me dis que le messager d'Allah, il a dit le contraire, je te dirais, non, c'est comme ça.

ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lahu da'watul haqq, à lui appartient l'invocation de vérité. Jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma du'aul kafirina illa fi dolal, et les invocations des incroyants ne sont que dans un égarement. Et donc ici, il nous a cité une partie et l'autre est la fin. Donc on va lire tout le verset, inshallah ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jal qui nous dit: lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasit kaffihi ila al-ma'. Et donc à lui appartient l'invocation de vérité. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur exaucent, ne répondent pas à leurs invocations. Ne répondent en rien à leurs invocations. Ils ne répondent que comme celui qui tend sa main vers de l'eau. Il tend sa main vers de l'eau. Liyabloura fahu wa ma huwa bibalighi. Afin que l'eau parvienne à sa bouche. Mais l'eau ne parviendra pas. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre un exemple. Pour montrer que ces gens-là, ils font quelque chose qui est impossible. Vous êtes en train d'invoquer des gens qui déjà ils ne vous entendent pas. Tu invoques une personne qui ne t'entend pas. Tu invoques une personne qui est faible. Qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? Billahi alayk, tu vas invoquer Jésus alors que tu me dis que des gens ils ont tué Jésus. S'il n'a pas pu se défendre lui-même, comment tu veux qu'il t'aide? Comment tu veux qu'il te défende? Comment? Et donc, Allah Ta'ala, il nous montre que ces gens-là, ils font quelque chose qui est impossible. Le fait que vous invoquez tout ce que vous voulez en dehors d'Allah, et que vous espérez que ces choses-là exaucent vos invocations, c'est quelque chose qui est impossible. De la même manière qu'une personne, et là les savants, ils ont divergé. Ils ont dit, c'est soit ce qui est voulu ici, une personne qui voit de l'eau au loin, et que cette personne, elle tend sa main vers l'eau, en pensant que l'eau va parvenir à sa bouche. Mais déjà, ta main, elle n'est pas arrivée jusqu'à l'eau. Comment tu veux que l'eau, elle arrive à ta bouche? Ça, c'est la première explication. Une autre explication, ils nous disent, non, là, une personne qui est vraiment, elle est proche de l'eau, elle tend sa main vers l'eau, elle met sa main dans l'eau. Mais Allah, il a bien cité dans le Coran, une personne qui tend sa main vers l'eau. Donc la personne, elle tend sa main vers l'eau, elle ne ramène pas sa main vers sa bouche. Elle garde la main dans l'eau comme ça. En pensant que l'eau va arriver à sa bouche. Mais ta main, elle est restée tendue. Comment tu veux que l'eau, elle parvienne à ta bouche? C'est impossible. Il faut que tu tendes, il faut que tu plies. Ta main plie là. Ne garde pas ta main tendue. Comment est-ce que tu veux? Ne garde pas tes bras tendus. Comment est-ce que tu veux que ta main arrive avec de l'eau jusqu'à ta bouche en restant tendue? Ou si vous voulez, on peut faire le défi. Hein? Qui est-ce qui peut faire que ses deux mains arrivent à la bouche en gardant les bras tendus? Qui arrive à le faire? Vous allez me dire personne. Tayyib, c'est normal. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, ces gens-là, ils font quelque chose d'impossible. De la même manière que celui qui fait ça, il fait quelque chose d'impossible. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Les invocations des incroyants ne sont que dans un égarement. Ce sont des invocations qui sont perdues. Des invocations perdues dans le vent. Et ensuite, après cela, l'auteur, rahimahullah, il nous cite donc le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les preuves qui montrent le tawhid ou l'ittiba', le fait que nous devons suivre le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de manière propre et spécifique. Et ça, on va le garder pour la semaine prochaine, inshallah. J'avais prévu de le faire aujourd'hui, mais on va le garder pour la semaine prochaine. Il n'est là pour ne pas faire trop long, surtout qu'il y a un autre sujet que je voulais aborder aussi avec vous avant cela, et je ne l'ai pas abordé, donc là, je vais le mettre en rouge pour être sûr de ne pas l'oublier pour la semaine prochaine, bi'idnillah. Et puis on continue, bi'idnillah, la lecture de ce livre la semaine prochaine. Wafak Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.